Jide Pena, Papa Nemine, Kali Dubaï, et le Gaspard Yamikoro. Papa Koufingo, Mère en tout, Maman Amédine, Atiki Bissongo, elle a scolé Balou Belle Transit. Place Matongé, Sefa, Eric Lema. Vraiment, Toti Kalibanayama. Salon Kija, abonné Menayan, Chusen Pena. Souffrance toujours. Antiki Bissongo. Tel est le cas de l'orphelin. Tosuna Bambou. Papa kulu tu babo tola ya Makanine Paris Isomana toko maseko telela Sando nyoso nakati ya Afrika ye Kesi ali idolo Ndolaka ye ni mante ye Tozo ngala safete nasionale na nime kuna ma Esa tingi lube ya Sangare a Abidjan Sans oublie Bazedor Eric Johnson Ye monoko ye komi bololo Nazangi maloba yako Bati mube kosa Mamoti narati oyu Mamase nyoso sena yo Mamoti batika nisona pasi Lopango bapapa kulu tubabote la yamo Nisobana toko mase kote lena Zando nyoso nakati ya Afrika ye Didi yomele yo Elle est sponsor mondial Mutombo Dikembe. Tout Atlanta en parle. Gilles Bunga, Jolie Bassuel et Félix Djamani. À Nairobi, Soudi Tchaga et Nelly Tchaga. Sans oublier de donner du télé Cameroun. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, de London, Didier Ikoko, Francine Mouchimbaye,